On va parler de lutte. Hier, on a parlé d'arts martiaux mix et de boxe avec Bernard Barré et de UFC avec Pat Côté. Pour savoir un peu, on va interdire le sport de combat jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau vaccin. Évidemment, moi, je voulais m'entretenir de lutte maintenant parce que la lutte du CW font des spectacles au Saguenay à toutes les semaines. Je pense que c'est le vendredi soir. Et évidemment, il y aura jusqu'à nouvel ordre, ça veut dire également la fin de la lutte. Et on en parle avec la responsable de la lutte JCW, Julien Lalonde. Bon midi, Julien. Bonjour. Julien, comme je l'ai appris que Pat Côté hier de RDS, c'est moi qui ai appris la nouvelle. Et il n'en venait pas. Moi, je te l'ai appris sur Messenger, donc j'ai pas eu ta réaction en direct. Ta réaction, c'était quoi? Ben là, pour l'instant, tu sais, c'est marqué que la santé publique envisage la possibilité. Fait que c'est sûr qu'il y a des possibilités, mais ça se peut qu'il ne fasse pas. Fait qu'on est encore dans l'inconnu. Mais c'est sûr que ça paraît, c'est que ça risque d'être plus tard que ça revient que plus tôt. Ouais. Donc, et pour vous autres, évidemment, ça a un impact direct, j'imagine? Ben c'est sûr que ça a un impact. C'est sûr que nous, on est habitués depuis pas mal 20 ans là, qu'on fait des choix toutes les semaines, tous les samedis soirs qu'on a fait des spectacles. Et là, on n'en fait pas depuis le mois de mars. Là, fait que ça va faire après bientôt 4 mois. C'est sûr que plus ça va, plus qu'on sait que on sait pas de quelle façon qu'on va revenir. Une chose est sûre, c'est qu'on personne, qu'on parle de la JCW ou toute autre organisation, ben c'est sûr qu'on n'en reviendra pas pareil. Là. Ouais, puis avais-tu déjà commencé à penser à quelque chose? Avais-tu déjà, parce que là, les mesures sanitaires, ça, vous savez comment c'est les histoires de, parce que moi j'en prends puis j'en laisse, là. Fait que j'en laisse même plus que j'en prends, mais ça c'est un autre débat, là. Donc... Ben, c'est sûr que c'est impossible de faire de la lutte, là, à des mesures spéciales, je veux dire, là, on est face à face, puis on est en contact physique avec un autre individu, là. Ça se fait aux États-Unis, en passant, là. Je suis pas un amateur de lutte, mais c'est le Raw qui a jamais arrêté, ou pratiquement. Ben, ces autres, là, comment ça a fait? Ils ont commencé, ils ont fait des tournages, ils ont fait dans leur centre de performance. Ils ont fait leur tournage là. C'était vraiment en clos, c'était les producteurs. Et puis, dernièrement, ils ont commencé à mettre des lutteurs, des entraîneurs, des athlètes, dans le fond, là, qui sont sous contrat, qu'ils ont mis un peu dans tous les parties. Puis là, je crois qu'ils ont commencé à amener quelques poules dans les spectacles, mais très minimes. Mais on s'entend qu'ils sont pas verts non plus, je veux dire. Il y a eu une grosse il y a eu plusieurs personnes dans l'organisation qui ont eu COVID-19 là dans les derniers tournages. Fait que qui ont été annulés à cause de ça. Fait que là, c'est sûr que ils continuent, c'est sûr qu'eux autres, c'est une compagnie. C'est pas juste une compagnie qui font des spectacles, c'est une compagnie de télévision aussi. Okay. Ils font de la production de télévision. Ouais. Fait que c'est sûr qu'eux autres, ils doivent continuer à faire du contenu là, télévisuel. Tandis que nous, c'est sûr qu'on offre un spectacle là, devant un public. Là. Fait qu'on n'a pas de contrat ou de production, de produits à offrir. Là, vous n'avez pas de pay-per-view, vous avez rien. Là. Déjà, les lutteurs, je pense, sont bénévoles. C'est ça. Non, on a rien. Il n'y a rien qui se passe depuis ce temps-là. Il n'y a rien qui se passe du tout là, depuis la fermeture. Là. OK. Puis, est-ce que vous pensez... Mais je reviens à votre affaire. Vous avez-tu déjà pensé à un scénario? Moi, j'ai envisagé différents scénarios. C'est sûr qu'une décision va probablement être prise là, sur la direction qu'on va aller dans les prochains mois. Là. Vous allez avec la fédération. Là. Il y a une fédération, j'imagine, de Québécoises de lutte. J'imagine que vous allez vous plier sur la fédération qui doit négocier pour vous autres. Ben nous, il n'y a pas de régie par rapport à la lutte. La lutte n'a aucun régie. Dans le fond, okay. Ça a déjà fait partie, je pense, de Je pense à la commission des courses et des jeux du Québec dans le temps avec la boxe, mais ça fait plus partie de ça. Là. Fait qu'on n'est pas régi par aucun ministère. Là, Si la lutte du JCW veut recommencer, c'est à eux autres à présenter un plan en santé publique, c'est ça? Ils nous considèrent présentement, la santé publique nous considère, ils nous prennent comme la boxe. OK. Fait que. C'est pas 100% pareil dans le sens que la boxe, c'est une compétition, puis la lutte, donc c'est pas vraiment réellement de compétition. Nous, c'est plus un spectacle, et c'est sûr qu'il n'y a pas de public, il n'y a pas de show nécessairement. Donc, Par contre, eux nous classifient dans le même coin que la boxe. Parce que tant qu'il n'y aura pas de calotte de boxe là, devant le public, il n'y aura pas de lutte, ça, c'est certain. OK, OK. Du moins pour l'instant. Là. OK. Donc, évidemment, puis pour vous autres, ben, c'est des pertes énormes. Est-ce que le fait que vous êtes bénévole, donc il n'y a pas grand perte pareil, donc on peut pas dire qu'il n'y aura plus de lutte? Bon, pas individuel, c'est plus l'organisation, parce que nous, okay. On a un local, on a quand même un grand local à payer, parce que c'est sûr qu'il y a des frais, là, il y a des pertes énormes par rapport à ça. Là. OK. Parce que nous, on avait un local là, quand même grand. Là, c'est, ben oui. T'sais, on rivalise avec beaucoup de salles au Saguenay-Lac-Saint-Jean là, par rapport à grandeur. On peut avoir plusieurs centaines de personnes dans notre salle. Fait que, c'est une grande salle, très compétitive à ce niveau-là, mais c'est sûr que si on fait pas de show, ben on n'a pas les revenus pour pouvoir payer les dépenses à coûte pour payer la salle. Là. OK, OK. Parce que vraiment, c'est pas... c'est quoi le risque, là? Comparé à un... Je me dis, la lutte, le sport de combat, c'est comme le hockey. S'il autorise le hockey, le football, pourquoi les sports de combat? C'est un peu ça la question à se poser, là. Mérite d'être posée. Le hockey, on s'entend que le hockey, c'est plus la Ligue nationale. Je vois pas de game de hockey présentement. Ils veulent l'avoir, là. Ils vont avoir des mineurs pareil, là. Ouais, je sais pas ce qui va se passer. C'est qu'ils ont de l'équipement aussi. Ils ont de l'équipement, ça arrive de moins de toucher. Puis là, présentement, ben, il n'y a pas de public qui va assister. Fait que c'est ça, pour l'instant, la Ligue nationale, ils vont continuer leur saison, là. Mais, je pense au mois d'août, là, ça va être sans public. Ils font des phases avec un gros protocole pour s'assurer qu'il n'y a personne qui est infecté là, par la COVID-19. OK. Fait que, non, c'est il y a petit protocole. Bon, le hockey, c'est tout pas. Je peux pas vous dire, chaque sphère est différente. C'est sûr que moi, je me considère la lutte, dans le fond, un mix de boxe, mais un mix de spectacle aussi. Fait que selon moi, tant qu'il n'y aura pas de spectacle, exemple, un spectacle de musique devant un public dans un arena, quoi que ce soit autorisé, d'après moi, il n'y aura pas de lutte bientôt. Là. OK. Ben, c'est sûr, c'est clair. C'est clair. Mais j'ai l'impression que ça va bouger. On peut faire bien un spectacle devant 50 personnes, mais c'est sûr que nous, notre but, c'est d'avoir une salle remplie de plusieurs centaines de personnes. Fait que ces 50 personnes, c'est pas ça qui va rentabiliser l'organisation. Oui, effectivement, effectivement. Ben, on va suivre le dossier de près, Julien. Évidemment, c'est pour le sport de combat, mais j'ai l'impression que ce qui va arriver, c'est que le lobby était mal fait, puis ils vont tous se mettre ensemble pour faire avancer les choses. Parce qu'hier, je lisais Bernard Barré, j'avais une entrée avec Bernard Barré, je ne sais pas si tu connais, pas de côté aussi. Puis il disait qu'ils vont faire front commun. Là. Parce que là, c'est sûr qu'il y a une expression qui dit que l'union fait la force. J'imagine que plus que le monde se travaille ensemble, plus qu'il risque d'avoir des choses qui bougent. Ouais, ouais. Ben, on va s'en reparler bientôt, Julien. Ben, merci beaucoup. Julien Lalande, qui s'occupait de la lutte du CW.